deuxième épisode de Fun Radio Connected. La première bonne nouvelle, c'est qu'on est encore là. Voilà, on a fait la première, ça s'est passé, c'était hier. Je vous souhaite la bienvenue sur Fun. L'émission, elle est simple. On l'a expliqué tout à l'heure dans la Happy Hour chez Audrey. C'est votre émission, c'est vous qui la faites, c'est vous qui amenez la matière. Avec tous vos messages, voilà, vos délires, vos coups de gueule aussi. Ça se passe sur tous les réseaux. On est ultra connectés avec vous, c'est la famille. C'est la famille Fun Radio Connected. Sur Facebook, via la page officielle, allez liker. Via le Twitter aussi, on l'a dit tout à l'heure, hashtag Fun Connected pour passer vos messages. Et puis sur le Snap aussi, on est connecté. Vous tapez tout simplement Fun Connected. Voilà, vous savez tout. On va accueillir Paul dans un instant sur Fun. Avant ça, eh bien, il y a Arnaud qui est avec moi. Il est encore là. Salut, salut tout le monde. Comment ça va, mon Arnaud? Bah, super bien, et toi? Par contre, non, tu me perturbes un petit peu là. Pourquoi? Mes yeux, ça fait mal aux yeux là. Mes yeux saignent. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, non, mais pas pour toi, pour ta chemise, moi. Ah, ma chemise. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Rien de spécial. Alors, il faut savoir, c'est de la radio, je vais un petit peu décrire. En fait, bon, à la base, tu portes bien les chemises, mais celle-là, c'est un petit peu compliqué. Il est là en mode beau gosse, mais sauf que c'est pas trop ça. C'est une chemise un peu bleutée, comme ça, un peu. Allez, avec. Mais elle est super belle, ma chemise. Mais non, mais je sais pas si c'est des ronds ou si c'est des petits pois. C'est des ronds. C'est des ronds blancs sur un fond bleu, quoi. Tu l'as gagné où cette année? Je l'ai pas gagné. Je l'ai pas gagné. Par contre, j'ai gagné un très gros truc. Ah ouais, très gros truc. Ouais. Un super gros truc. Tu veux pas le dire maintenant, en fait? Tu sais quoi, on va en parler. Et bah, pourquoi pas? On va peut-être demander aux auditeurs, tiens, si vous avez gagné quelque chose de particulier. Ça peut être complètement pourri. Ça peut être des beaux cadeaux aussi. On va en parler. Ça va être le sujet du jour, tiens. Ouais. Voilà, les gars, allez-y. Vous nous dites un petit peu par SMS au 3044. Cadeau pourri ou cadeau de ouf. On va en parler dans quelques petites minutes. Et en parlant de cadeaux, il y a notamment le MacBook Air qu'on va certainement vous offrir avant 22h. Avant ça, il est avec nous sur Fun Radio au 02 851 4x0. Paul, il a 24 ans, il est coach sportif. Comment ça va, Paul? Salut Dylan, salut toute l'équipe, ça va très bien. Un petit peu mou là le Paul, est-ce que ça va Paul? Ouais. Ah ouais, ça c'est bon, c'est ça. Déjà un peu mieux Paul. Tu vas passer un message pour qui ou pourquoi dans 2 minutes? Ouais, un message pour les jeunes surtout. D'accord, bah tu t'adresses sur la bonne radio. On parle de sport. Bon bah ça marche Paul, on te retrouve dans quelques petites minutes. Tu restes avec nous. Madcon pour le son Dance Floor, ce sera juste après mon gros kiff. Le duo Fun Radio, voici Calvin Harris et Rihanna. Fun Radio Connected en direct jusqu'à 22h sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. De nous le dire. J'espère que tout se passe bien pour vous de l'autre côté de la radio. Vous écoutez Fun Radio, Fun Radio Connected, avec déjà des messages sur Facebook, la page Fun Radio Connected. Je vous écoute avec un énorme pincement au cœur. L'émission est terrible avec 3P. Elle vient de Liège, à mon avis, ce message. Bonne émission, les gars, et puis bonsoir, Fun. Ce soir, nous fêtons nos noces de coton avec ma femme Fabienne en vous écoutant en fond. Ouais, ça fait plaisir, ça. Jusqu'à 22h, rejoignez la Fun Family. C'est Fun Radio Connected avec Dylan sur Fun Radio. Hey, j'y réfléchis, ça. Noces de coton, c'est quoi? C'est combien les noces de coton? Je crois que c'est un an, si je me trompe pas. Ah, c'est vrai, c'est un an? Je crois noces que de an, coton, ouais. J'aurais dit 50, quoi. ça se voit que je suis pas marié, je pense. Il y a des messages aussi qui sont tombés par SMS au 3044. C'est l'autre moyen pour venir passer vos messages, vos coups de gueule, vos délires aussi sur l'antenne de Fun Radio toute la soirée jusqu'à 22h. Victor qui nous envoie un petit message. Salut la famille, vous êtes trop forts, big up les gars. Et puis Seba qui nous dit: Dylan, est-ce que tu as une astuce pour que j'arrête l'école? Mes parents me saoulent. Alors Seba, il faut savoir que moi et l'école, on n'est pas très très copains. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours assez chaotique. Voilà pourquoi je fais de la radio. Non mais sincèrement, en fait, Seba, il faut simplement continuer l'école. Voilà, même si ça saoule, en fait ça saoule tout le monde. Donc il faut continuer et puis voilà, faut pas lâcher. On a Paul qui est avec nous au Standard de Fun. T'es toujours là Paul, tu m'entends? Ouais, ouais, je suis toujours là. Dis-moi, tu viens passer un message pour qui ou pourquoi Paul ce soir? Ouais, ça, donc en fait le message que j'aimerais bien faire s'adresse particulièrement aux jeunes. D'accord. Et c'est précisément bougez vos culs à la place de rester crampés sur vos smartphones pardon, toute la journée. Ah mais ça c'est vrai que les jeunes, enfin moi je fais partie des jeunes, j'ai 22 ans en même temps tu vas me dire, mais c'est vrai qu'on est souvent sur le smartphone. Et je pense que c'est pour ça que mes tablettes de chocolat se sont transformées en fondue au chocolat, tu vois. Ouais, t'es sûr, vous n'avez pas tablette que de la mousse. Ah mais c'est clair, et en plus avec Pokémon Go là, non mais sincèrement, Pokémon Go c'est l'inverse. Je pense qu'avec le téléphone, il y a moyen de se faire muscler les jambes à la Lormano Doux en fait. Hein. On est d'accord. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Même moi je suis retombé en enfance avec Pokémon Go et tout, ça fait faire un peu de marche, c'est sûr. Mais ouais. Taper un trou du pâté de maison pour rentrer chez soi avec trois roucoules et un aspicot, j'appelle pas ça téléphone. Oui, c'est ça. Eh, si t'as un Mewtwo, c'est quand même pas mal. Tiratata, c'est un peu la loose. Non, mais par contre, c'est vrai, non, je te comprends. En fait, tu parles plus de Facebook, Instagram, tout ça, et on est trop à fond sur le téléphone, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Snapchat aussi. J'imagine que tout le monde utilise. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, je voudrais qu'ils sachent qu'à part Pokémon Go, il y a plein d'applications pour garder la forme, comme On the Mundo, ou ouais. Training, ou Run Tactique. Ouais, c'est ça. Ouais c'est ça, en fait t'as des applications qui permettent aussi de faire du sport pour voir combien de kilomètres on a marché sur la journée, c'est vrai. Et toi qui es coach sportif, t'as suivi un peu les JO ou pas du tout Paul? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs je voudrais vraiment faire un gros big up à la délégation belge qui a défendu nos couleurs à Rio. Et si un chiffre d'ailleurs qui convenait pour cette année, bah c'est le 2, franchement. Ouais, exactement. C'est un beau chiffre en plus. Exactement. Ça j'ai vu ça, j'ai lu un article il y a quelques jours. 2, et bah c'est le nombre de médailles qu'on a gagnées, mais à chaque fois par catégorie. On a eu 2 de bronze, 2 d'argent et 2 d'or, hein, c'est ça hein. Ouais, rien que ça, ma gueule. Ah, effectivement, ils ont tout déchiré, les Belges. On est quand même plutôt pas mal. Ils sont vraiment battus, franchement. Bon, ça fait plaisir. Écoute, Paul, je vais garder ton numéro. J'ai besoin d'un coach sportif. Ça, c'est officiel. Donc, je garde ton numéro. Je confirme, t'as vraiment besoin de prendre du poids là. C'est bon. Ne parlons pas de mes tablettes de chocolat qui se sont transformées en fondue. Un grand merci, Paul, d'être passé sur Fun Radio. Je te fais plein de bisous. Tu repasses quand tu veux. Tu fais partie de la famille. Ok, ça va. À bientôt, Paul. Salut. 30-44 par SMS. Bientôt, vous réagissez à l'émission. Allez-y, n'hésitez pas. Sur le Snap aussi, c'est Fun Connected. Juste avant de vous passer Dua Lipa, eh bien, je vous cale un titre que vous allez certainement retrouver encore ce soir dans le Before Party Fun. Ça, ce sera après l'émission à 22h. Voici le nouveau Axwell Ingrosso. Ça s'appelle Thinking About You. Vous allez voir, la meuf parle mieux anglais que moi. Écoutez. Enfin, le mec plutôt. Think about love. Think about hate. Think about game. Why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do. But I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool stereo. And I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Think about my holidays. Think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors. Think about sex. Think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss.

Il y a Pierre-Philippe qui m'envoie une petite photo avec lui à côté de la radio, au Sanjay, avec Fun Radio. Et puis Loris qui nous dit, c'est quoi l'adresse de la radio pour venir? Alors, tu peux pas venir comme ça, comme dans un snack. Loris, il faut absolument envoyer un petit mail, tout simplement, sur dylan@funradio.be, tout simplement, on vous ouvre les portes. C'est la famille Fun Radio Connected. On va revenir sur... sur la fameuse chemise de Arnaud en début d'émission. Le mec est arrivé. Voilà, le mec est arrivé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je pense qu'il a pas du tout choisi la bonne chemise. On vous a mis la photo sur la page Facebook. Vous tapez tout simplement Fun Radio Connected. Alors lui, il n'a pas gagné la chemise. Il l'a acheté. C'est encore pire. Oui, je l'ai acheté, en effet. Ouais. C'est ça. Et on parlait justement des cadeaux que vous avez reçus, que vous avez gagnés. Des cadeaux, oui, un cadeau, vous allez pouvoir le recevoir ou le gagner. Voilà, je m'y perds un petit peu. Oui, gagner ou recevoir. Donc ça peut être pourri, ça peut être super pourri, un peu comme la chemise d'Arnaud, ou alors ça peut être tout simplement énorme. Il y a déjà Fabrice qui a envoyé son petit message et qui nous dit, j'ai eu l'occasion de gagner une voiture grâce à un concours d'un concessionnaire. Ça, c'est énorme, j'ai toujours rêvé de gagner un truc comme ça, c'est impressionnant. Va falloir que je te rappelle après l'émission, Fabrice, tu vas me donner quelques infos. Il y a Antoine de Genneval qui nous écoute là-bas et qui nous dit, dans la foire agricole de Libramont, j'ai remporté une belle machine agricole, super pour le boulot. Et ça vaut une blinde en plus, hein. Je pense que la machine agricole vaut plus que la voiture que Fabrice. Je crois, je pense. Ah bah dites-nous, tiens, par SMS au 3044 si vous aussi vous avez gagné quelque chose de pourri ou de très très bien. Dis-moi, Arnaud. Et je compte quand même revenir sur ma chemise. Il faut vraiment que vous envoyez. Et moi, je vais même mettre un ultimatum. Répondez sur Facebook et je jure que si les réponses sont négatives, je ne mets plus jamais cette chemise. Et le truc, c'est que en plus, tu as dit tout à l'heure que tu avais gagné quelque chose. Ouais. Alors, tu nous as pas encore dit quoi. Est-ce que tu peux nous donner, allez, au moins un indice pour qu'on puisse. C'est de la musique. C'est de la musique, mais c'est vraiment le gros cadeau. Ah, c'est le gros cadeau, quoi. Ouais. C'est le truc qui vaut collector, quoi. Ah, ouais, quand même, ouais. Bon, bah, et restez là si vous voulez savoir ce qu'a gagné Arnaud. Je sens la couille, quand même, non? La couille, non? Non, il y a quelque chose derrière. On va accueillir Lucie dans un instant. Elle sera là sur l'antenne de Fun Radio dans Fun Radio Connected. Elle nous a appelé. Avant ça, eh bien, on va démarrer le clash. En réalité, le principe, il est super simple. C'est le rendez-vous dance floor de la soirée. On oppose deux artistes Fun Radio. Ce soir, c'est Jonas Blue face à Maître Gims. Tous les soirs, dès 20h, venez défendre votre star préférée. C'est le clash dans Fun Radio Connected. Jonas Blue, c'est ça. L'un de mes titres préférés. Qui s'oppose donc à Maître Gims ce soir? Jonas Blue ou Maître Gims, vous votez maintenant pour votre artiste préféré par SMS au 3044 et on vous passe le gagnant en fin d'émission. On vous le diffuse, il n'y a pas de problème. Dans un instant, côté son dancefloor, Alex Jermiz arrive. Dans un instant, et puis on va vous parler aussi du MacBook Air. Voilà, ça c'est du gros cadeau. En parlant de très très beaux cadeaux, c'est ce qu'on vous offre sur Fun. Envie de vivre une expérience incroyable? Dès la semaine prochaine, Desperados et Fun Radio vous offrent des places pour un festival extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas. Venez défier les lois de la gravité au rythme des Beats Dance Floor. Vivez-le grâce à Desperados et Fun Radio dès la semaine prochaine. Restez branchés. La teuf la plus extrême du monde. Vis-la avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. You and I, we're so hot that we fire. We're so hot that we fire. Yeah, you're the one. Keep on holding me closer. Love's a one. you're doing, the things that you're doing. So keep on and give me that thing that you want me to feel. I love the way that you're doing, the things that you're doing. So keep on and give me that, keep on and give me that, give me that. Got you in my bones. I want you, but no one knows. I want you, but no one. Message à faire passer, un coup de gueule à pousser, ou tu veux délirer? Envoie dès maintenant ton SMS au 3044, 50 centimes le message, ou au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Et Fun Radio Connected se charge du reste. So far. À Mélanie Mel qui m'a envoyé un petit Snapchat sur le Snap officiel de la radio. Fun Connected, c'est le pseudo. Bonsoir la Fun Family, un petit coucou de Courbet. Et puis Andy aussi qui nous dit vos musiques à la salle de sport, ça passe bien pour motiver. Ah ça c'est clair que le son d'Anne Flore, Si ça bougeait pas, ça aurait été un petit souci, je pense. L'avenir appartient à ceux qui se connectent tôt. 20h, c'est pas mal, non? 20h, 22h, c'est Fun Radio Connected. On est également sur Twitter, vous passez vos messages, allez-y, hashtag Fun Connected. Salut à Céline aussi qui nous dit salut Dylan, pourrais-tu souhaiter un bon anniversaire à mon petit frère Lucas? Il va avoir 14 ans demain, ah, c'est trop mignon. Ah bah, pas de problème, Lucas, bon anniversaire, voilà, de toute la part de Fun Radio. Comme ça, c'est fait, le message est passé. Boris qui nous passe le message. Hello les gars, on vous écoute de la caserne d'Anden tous les soirs. Bon courage pour l'émission. Ah bah, bon courage à toi, Boris. Il y en a beaucoup qui bossent là encore à 20h32. Vous êtes sur le chemin en mode retour du boulot. Et bah, restez bien connectés, on va parler de l'énorme cadeau qu'on vous offre. C'est le MacBook Air. Ça va certainement tomber avant le Before Party Fun, avant 22h. C'est promis, on en reparle dans quoi? Dans 2 minutes, le temps d'accueillir Lucie qui est avec nous. Comment ça va, Lucie? Salut, ça va très bien, et toi? Nickel. Dis-moi, tu as quel âge? Tu viens d'où en Belgique? J'ai 20 ans et je viens de Dillingen. Et ça se passe la semaine, t'es quoi? T'es en mode boulot, en mode vacances? En mode grosse vacances, là. Petite bon, larve. Ça, ça fait plaisir, on profite avec Fun Radio. Tu voulais passer un message pour qui ou pourquoi, toi, à l'antenne? Oui, d'accord. Mais avant, je voulais dire quand même que la chemise de l'Arnaud est comme vachement top. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense que t'es la, ouais. Je pense que t'es la seule. Hein. Il faut pas écouter les mauvais avis des autres. C'est super gentil, merci. Je pense que t'es la seule. Je sais pas les réactions qu'il y a sur la page Facebook. On va faire le point sur ça. On a lancé une petite photo avec la très très pas belle chemise de Arnaud. Moi, je l'aime bien, ma chemise, franchement. Allez. Allez voir sur la page. Dis-moi, tu voulais passer un message pour qui ou pourquoi? En fait, je voulais féliciter mon frère qui a enfin eu son permis pratique. Ah, sérieux? Oui, parce qu'il a fallu quand même 2 fois pour réussir le théorique et 5 fois le pratique. 5 fois le pratique? Ouais. Non mais ouais. Attends, il faisait quoi le mec? Il arrivait pas à passer les vitesses ou quoi? Oui, c'est un peu ça. Et aussi, il a failli écraser un chat. Ah oui, voilà, okay, il a pris un truc, il a pris un rond-point sans inverse, des trucs comme ça. Ah, je comprends pourquoi il a pas eu le permis, ton frère. D'ailleurs, il vient jamais me chercher en soirée parce que j'évite un peu quand même. Oui, c'est ça. Je pense que t'as moins de chance de repartir bourré avec ta caisse. Hein, que de repartir avec ton frère. Ouais. Et la finalité, c'est qu'il l'a. Alors c'est quoi? C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle là pour le coup? Moi, je dirais mauvaise quand même, parce qu'il est vraiment pas attentif. Quoi, il craint quoi? Une mauvaise pourquoi? Pour les piétons quoi? Oui, franchement oui. Parce que déjà dedans, il respecte pas les limitations et il fait pas gaffe aux priorités, ce qui est quand même hyper dangereux. Ouais. Et ouais, les piétons aussi, voilà quoi. Bon, tu viens passer ton message sur Fun. À l'inverse, passe-lui un message, tu lui dis ne passe jamais par l'avenue Télémac à Forêt à Bruxelles. Je ne veux pas me faire écraser. Si le mec passe, je veux absolument pas me retrouver en dessous de la voiture. Bon, et bah, félicitations à Thomas, du coup, il écoute la radio, j'imagine. Oui, normalement oui. Thomas, fais gaffe, je suis devant la fenêtre du studio. Ne passe pas. Ça va aller mal pour toi, Thomas. Un grand merci en tout cas d'être passé, Lucie. Le message est passé. Et puis, du coup, tu repasses quand tu veux. Ok, avec plaisir. Tu nous as contacté par quoi? Par SMS? Sur le téléphone? Oui, sur le téléphone, oui. Sur le téléphone. Bon, bah, tu restes là. On va vous expliquer comment gagner du cadeau sur Fun Radio. C'est parti. Gagnez votre MacBook Air pour la rentrée grâce à Fun Radio. Double Fun. Comme on dirait chez moi à Liège, Dieu ça pulse hein. Comment le son derrière? Bah allez, c'est bientôt la rentrée là dans quelques jours. Rentrée des classes en secondaire pour certains, à l'UNIF pour d'autres. Dans les deux cas, bah, vous aurez d'office besoin d'un Mac hein, pour bien débuter la saison. Et ici à Fun, eh bien on l'a bien compris. On vous évite le fameux passage à la caisse, souvent douloureux quand on achète du Apple. Ici, bah, c'est la compta de Fun hein, qui a décidé de payer la facture. Il ne restera plus qu'à vous l'envoyer à la maison. Tout simplement, c'est le portable le plus fin au monde. Il se place dans une enveloppe. Voilà, il est hyper fin, c'est vous dire. Écran Retina 13 pouces. C'est le tout nouveau, le MacBook Air 13 pouces. Et c'est dans ces moments-là, sincèrement, que nous aussi, on aimerait bien pouvoir participer. Sauf que malheureusement, bah, c'est réservé uniquement aux auditeurs de Fun Radio. À vous, à l'occasion du retour de Double Fun, Deoro et Sand of Legend à la suite. Il n'est pas encore tombé de la journée, ça c'est la grosse info. Le Double Fun n'est pas encore tombé, il y a de très grandes chances que ça soit ce soir et que vous allez pouvoir repartir avec ce fameux MacBook Air. Si je peux vous donner un conseil, la famille Connected, inscrivez-vous déjà maintenant. Vous êtes dans la voiture en mode passager, je l'espère. Vous envoyez un petit message, vous êtes chez vous à la maison tranquillement. Eh bien allez-y, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous envoyez dès maintenant pour vous inscrire le mot code Apple par SMS, tout simplement Apple au 6322, ça ne coûte qu'1 euro par message. Et pour tout vous dire, sincèrement, le soir, c'est logique, il y a moins de monde qui écoute la radio. La plupart des gens sont déjà, je sais pas moi, à la maison, ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de manger, ils sont en train de regarder la télé. En théorie, donc plus de chances pour vous de repartir avec le dernier MacBook Air 13 pouces. Allez-y, Apple, maintenant, Apple, c'est le code SMS, Apple au 6322.

screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Martin Garrix, une découverte Fun Radio. Martin Garrix, vous allez certainement le retrouver encore ce soir hein, dans l'émission Club de Référence, l'émission numéro 1 en Belgique avec les meilleurs DJ de la planète. C'est dans le Before Party Fun. Voilà, on n'attend pas d'être en week-end pour faire la teuf sur Fun Radio. Rendez-vous ce soir, je serai là avec Sacha DMB et Andy Day. Ils seront en mix à partir de 22h. Voilà, la soirée qui se passe plutôt pas mal avec aussi vos messages qui continuent de tomber sur Snap. Lucien qui nous dit Big Up Dylan, c'est Lucien de Rick Sansard. Salut Lucien. Et puis Louis qui nous dit salut, est-ce que vous offrez toujours le MacBook? Oui, je viens d'en parler. T'as pas écouté, c'est pas bien. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou au 02 851 4x0. Eh Loïc, c'est vraiment pour toi que je vais le répéter hein, mais le MacBook Air, effectivement, on vous l'envoie chez vous à la maison. Il suffit de vous inscrire, ça va certainement tomber avant 22h, peut-être tomber. Donc allez-y, inscrivez-vous, vous envoyez Apple par SMS au 6322, c'est 1€ par message. On a parlé, on a discuté avec Arnaud en début d'émission, puisque le mec est arrivé quand même en mode beau gosse. En fait, il a fait son malin, mais la chemise n'était pas tip-top. Il l'a acheté, il a dit je vais faire le malin avec toute la team Fun Radio. Au final, j'ai pas aimé. Bah écoute, alors, pour l'instant, la plupart des commentaires sont quand même positifs. C'est ce que j'allais dire, puisqu'on vous a posté la photo sur la page Facebook officielle. Vous tapez Fun Radio Connected, tout simplement. Et il y a Antoine, par contre, qui est pas du tout d'accord avec toi, qui nous dit la chemise est à brûler, apparemment. Donc passe-moi le briquet, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça en ça live. Non. Elodie qui nous dit elle est superbe la chemise de chaton. Voyant sa photo de profil, ça m'étonne pas qu'elle ait des goûts comme ça. Non, je déconne, je t'embrasse, Elodie. Et puis Isabelle qui nous dit elle est classe sa chemise. On est parti de là. Merci. Je sais pas pourquoi. On est parti de sa chemise parce que donc lui il a acheté, il a pas gagné. On parlait des plus gros gains que vous avez récupérés dans votre vie. Il y a Coralie qui nous a dit ma mère a gagné le jeu Uncharted sur PS4 et elle me l'a offert pour avoir réussi mon année. Ah, ça c'est pas mal, Coralie. Ça, c'est un beau petit cadeau. Ouais, c'est plutôt pas mal. Julien de Hatz qui nous a écrit j'ai obtenu un autographe de Maître Gims et pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Alors tu sais quoi, Arnaud, sincèrement c'est vrai, j'ai reçu aussi un autographe d'une star hein. Bah par contre bon, je lui ai dit mon prénom mais après il a pas su l'écrire, j'ai pas trop compris. C'est un autographe de américain. Non, Gilbert Montagné. Et alors du coup je lui passe le stylo et il galère, je comprends pas trop, tu vois. Je me dis Il y a peut-être un petit problème. Ça c'était la vanne pourrie du soir. Dommage que j'ai pas un petit ça l'aurait fait. On parle donc du coup des plus gros lots que vous avez gagnés ici à l'antenne de Fun Radio. Et tout à l'heure Arnaud nous a dit j'ai gagné un truc de fou. Mais je sens quand même la petite entourloupe derrière. Vas-y, dis-nous. Non, je suis persuadé que c'est quelque chose que tout le monde voudra avoir. Cette compile elle est quand même énorme. C'est un coffret. Un coffret de quoi? D'Eddie Mitchell. Mathieu. Attends, déjà la question c'est où est-ce qu'on offre ça? Eh ben écoute, si je devais le dire, franchement c'est une radio. C'est une radio. Ah, c'est une radio. C'est pas ici. Ouais, c'est pas ici. C'est une radio Dieu quoi. C'est une radio. Enfin, c'est une radio très connue. C'est une radio du troisième âge. Ceux qui font les soupers spaghetti bolo pour récolter de l'argent pour le télévis, c'est un peu mais ça. Mais écoute, c'est Bel RTL en fait. Ah, c'est vrai, sérieux, ils offraient le coffret? Ouais. Non mais et tu l'as reçu ou tu l'as reçu? Bah ouais, j'ai reçu à la maison. Attends, tu sais. Au début, je mets pas trop. Attends, tu sais quoi, je le fais en direct. Je vais taper Eddie Mitchell, voir si on l'a dans la machine de Fun Radio. Alors attends, Eddie. Ah si, on a. Ah si. Attends, je le mets deux secondes. Ah oui, c'est lui, Michel. Eh ben l'RTL, franchement, on en parle, mais ils fêtent leurs 25 ans. En plus, on les embrasse si ils nous écoutent. Par contre, je pense que je vais me faire défoncer par le boss. Voilà. Vous écoutez Fun Radio, Eddie Mitchell, avec pas de boogie-boogie pour la prière du soir. Ah, c'est dingue. Et franchement, en fait, je sentais l'entourloupe, je sais pas pourquoi. Bah écoute, entourloupe. Non, c'est quand même un beau petit cadeau. Maintenant, c'est vrai que j'avoue, j'apprécie un peu mieux qu'avant. Franchement, ouais. En fait, Arnaud, c'est le seul mec de Belgique qui est plus content d'entendre Eddie Mitchell que du son d'Enflore. Quand même pas, quand même. Voilà, du coup, je vais vite réappuyer, hein, sinon ça va partir en sucette. On va vite m'appeler pour me licencier. Milo, c'est ce qui arrive dans quelques petites minutes. Vous restez bien connectés. Donc, Milo, oui, c'est la suite. Et puis, Cheat Codes maintenant pour le son d'Enflore. On est à la cool, c'est la deuxième. Voilà, c'est la rentrée. On est toujours en mode rodage, c'est Fun Radio Connected. That was unforgettable. I wanna do it again. crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Sex. Radio, Fun Radio Connected, il est 20h49. Bon courage si vous êtes au boulot. Bon courage aussi si vous êtes encore sur la route en mode retour du taf. Mardi 30 août, c'est la deuxième émission de Fun Radio Connected. On continue à recevoir tous vos messages, c'est le principe. Hein. Vous passez vos messages par SMS, Twitter, Facebook, tout ça. Christopher qui nous dit ma soeur m'a piqué la radio, je vous écoute comment alors? Et bah sur funradio.be tout simplement. Arnaud qui nous demande c'est quoi le son qui passe, j'aime trop. Et bah c'est Cheat Codes. Voilà, Cheat Codes que je viens de vous passer. Et si vous voulez écouter un titre un petit peu particulier, faire une dédicace sur un titre, il n'y a pas de problème. On est ouvert, c'est la Fun Family, vous êtes chez vous ici, on est en mode à la cool. Tous les soirs, dès 20h, venez défendre votre star préférée. C'est le Clash dans Fun Radio Connected. Bon, vu qu'on est à la bourre, on va se direct se faire le Clash. On a opposé deux artistes aujourd'hui, ce soir, Jonas Blue face à Maître Gims. Le titre que vous allez choisir et qu'on va passer en fin d'émission. Si vous préférez Jonas Blue, vous l'envoyez par SMS au 3044 ou bien Maître Gims, allez-y, n'hésitez pas. Maître Gims qui sera d'ailleurs en concert avec Fun Radio, hein. Ce sera le 10 décembre prochain à Forêt Nationale, où vous a mis les infos sur funradio.be. Milo, c'est ce que je vous passe pour la suite du son d'Enfleur sur Fun Radio. Fun Radio Connected, bienvenue. Avec Fun Radio, passez une rentrée des classes de ouf avec votre MacBook Air d'Apple. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle, t'as entendu le double oui, fun? J'ai entendu le double fun. Ouais, bah écoute, j'ai une surprise pour toi. Oui. Double fun. Turbo fun. Christelle, c'est gagnant. Turbo fun. Soyez le premier à envoyer Apple par SMS au 6322. Un euro message et gagnez l'ordinateur portable ultra fin d'Apple, le MacBook Air 13 pouces. Ah là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. La rentrée la plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker.

avant le Before Party Fun. Je suis là avec mon pote Arnaud. On est tranquillement posé sur Fun Radio. On est bien, franchement. Du son dance floor toute la soirée et tous vos messages au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected. 20h-22h. C'est avant le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Je viens de le dire. Avant le Before Party Fun, il nous reste une heure à passer ensemble. Eh, ça passe super vite, mon Arnaud. Super vite, quoi. Déjà 21h, déjà la mi-émission avec toujours vos messages qui continuent de tomber. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre là sur Fun Radio, c'est super simple. En fait, on est connecté partout. C'est-à-dire qu'on a ouvert les comptes. Dans d'autres boulots, on interdit aux gens, aux employés d'aller sur Facebook, Twitter, etc. Nous, on nous dit qu'il faut absolument vous connecter avec les auditeurs. Donc du coup, c'est avec grand plaisir que Arnaud reçoit tous vos messages, notamment au standard de Fun Radio. Je vous le rappelle, le numéro, il est très très simple. C'est le 02 851 4x0. Vous réagissez aussi sur Twitter avec le hashtag Fun Connected. Comme notamment Céline qui nous dit: j'écoute Fun depuis des années, je reste fidèle encore cette année à ma radio préférée. Ah bah tu fais bien. En gros, il n'y a rien autre part. Faut rester sur Fun tous les soirs jusqu'à 22h. Et puis on a reçu aussi un petit Snapchat de Elodie VDB qui était en mode en fait elle nous a fait une vidéo. Elle était avec son mec à la mer du Nord en mode balade en amoureux sur la digue avec Fun Radio via funradio.be sur le téléphone. Et bah ça fait grave plaisir. On a lancé un petit sujet tout à l'heure, notamment sur la chemise de notre ami Arnaud. Allez voir sur la page Facebook Fun Radio Connected. Et on a lancé justement, eh bien, grâce à ça, ce fameux sujet. Quel est le plus gros lot que vous avez déjà gagné, que ce soit sur les radios, à la télé, tout ça, ou même dans les tombolas? Même dans les tombolas, on n'offre pas ta chemise, Arnaud, cherche ouais, pas. Si, je suis sûr que si. On a déjà reçu. Peut-être des brocantes, hein, on sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Cyprien qui nous dit: j'ai gagné une cafetière Senseo. Super. Il y a 2 ans et elle marche toujours. Content de le savoir, Cyprien. Alors je déconne. On passe tous les messages, il n'y a pas de problème. Avec mon mari, nous sommes partis en croisière cet été grâce à une amie qui travaille dans une agence de voyage. C'est signé Edouard de Lillois. Oh la classe. Tu me connais un petit peu, Arnaud. Moi j'adore les bons plans. Ouais, comme on dit, un euro d'économiser, c'est un euro de pas dépenser. Donc du coup, on va prendre tes coordonnées, Pascaline. Si jamais, si jamais tu peux me gérer une petite croisière, t'emballe pas, ce sera tout seul. Hein. Je ne te prends pas. Moi? Tu ouais. me prends pas? Quoique, avec ta chemise, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. La classe quand même. On est d'accord. On va parler de Las Vegas dans quelques secondes. On vous envoie donc du côté de Las Vegas grâce à Desperados. Je vais juste voir si Mathilde est avec nous sur Fun Radio au 02 851 4x0. Mathilde, tu m'entends? Oui, oui. Tu as 18 ans, tu viens de Rochefort, c'est ça? Exactement, c'est bien ça, oui. Et tu vas passer un message pour qui ou pourquoi dans 2 minutes? Pour remercier mes parents pour le voyage qu'ils m'ont offert il y a pas longtemps, pour mes 18 ans. On est dans les vacances là, je pense. Ah ouais, ça, je vois que c'est vacances. Exactement, on est juste le 30 août, hein, je le rappelle quand même ça. Ne sait-on jamais. Bon bah c'est parti, on y va pour Las Vegas. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Alors la Californie c'est quoi? Eh bah c'est San Francisco, c'est Los Angeles et surtout Las Vegas. Fun Radio est donc officiellement la seule radio à envoyer ses auditeurs à Vegas pour faire la fête entre potes. Tranquillou, il y aura 2 trips à gagner. 2 voyages, vous allez partir quasiment tout frais payé, hein, pour participer notamment au festival Zero Gravity qui va se dérouler là-bas. C'est avec Desperados. Ah c'est des fous les mecs de chez Despé. Vous allez décoller pour un festival extrême. Alors autant vous le dire, si vous n'aimez pas les sensations fortes, laissez tomber, hein. Le vol Zero Gravity, en fait, pour tout vous expliquer, c'est un avion qui fera une descente mais de fou, de dingue, pour que vous ayez l'impression de planer avec, si je me suis bien renseigné, un DJ là-bas. C'est pour ça qu'on appelle ça le festival Zero Gravity. Zero Gravity, tout simplement. Si vous souhaitez participer, eh bien, manquez pas d'écouter Fun Radio. Ça va se passer dès lundi, toute la semaine, dans toutes les émissions, le matin, l'après-midi, le soir aussi. Votre voyage à Las Vegas grâce à Desperados, une seule radio vous l'offre, c'est Fun Radio. Une seule radio aussi qui vous passe les plus gros sons dance floor, eh bien, c'est nous, avec Era Istrefi dans 3 minutes. Mathilde aussi qui va intervenir sur l'antenne, et c'est lui qui était en mix au festival Creamfield au Royaume-Uni il y a quelques jours. Voici Tiesto sur Fun. I see you in my head, you ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me, we're making history. The sun's about to go down, baby. Summer nights, getting high like the first time. You and I, meant to be. I got to tell you right now, baby. Le son. Émission là, de Fun Radio Connected sur Fun Radio, et vous êtes super nombreux avec le hashtag Fun Connected. Message de Michel qui apparemment était au match Bruges Standard ce week-end et il y avait une ambiance de feu. Il fait une dédicace à toutes les personnes qui adorent le foot comme lui. Et puis Audrey Salvi qui nous dit salut l'équipe. Salut Audrey. Vous ne mettez pas des photos de la team sur Facebook? Oui, bien sûr, allez voir. On vous a mis d'ailleurs une très très belle photo. Très très belle photo de la chemise d'Arnaud. On en parle déjà depuis le début de l'émission, mais elle est énorme. Allez voir la page Facebook, c'est Fun Radio Connected. Tous les soirs, venez délirer avec Fun Radio Connected, 20h-22h sur Fun Radio. Et il y a déjà pas mal de messages qui tombent. Franchement, et ta chemise, elle cartonne. Alors, ouais, je sais pas dans quel... Ouais. quel sens. On va un petit peu faire le point. Il y a Isabelle qui a apparemment dit elle éclate sa chemise. Martin qui nous dit c'est un beau mâle avec cette chemise. À mon avis, il préfère le mâle que la chemise, le Martin. Jotaro qui nous dit c'est lui qui remplace Vince. Non, Arnaud, il est avec moi, il récolte vos messages. Mais effectivement, c'est l'émission qui remplace la libre antenne de Vince. Vince qui sera de retour sur Fun Radio. Donc restez bien connectés, évidemment. Ce sera dans un autre horaire. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Vince sera de retour. En attendant, on est là tous les soirs. Avant le Before Party Fun, on passe la soirée avec vous à la cool. Hein. Vous l'avez vu, on est tranquille. 20h, 22h, c'est Fun Radio Connected. Et puis enfin, Lugo qui nous dit sur Face, moi je la trouve classe. Merci. Est-ce que je me trompe? Mais il y a beaucoup plus de personnes qui aiment ta chemise que qui la détestent. Mais je vais pouvoir la remettre finalement. Oui, c'est ça. Fais pas l'erreur deux fois. Il y a Mathilde notamment qui nous a appelé au 02 851 4x0. Mathilde, est-ce que tu es toujours là? Oui, oui. T'es quoi? T'es en mode vacances? Tu reprends dans quelques jours les cours? Exactement, vraiment, ouais. Ok, et tu fais des cours de quoi? Assistant de direction. Les cours de cuisine. Assistant de direction. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, Mathilde? Ouais, exactement, super, nickel. Bon, nickel. Tu nous disais, il y a quoi? Il y a 3 minutes que tu voulais remercier tes parents pour t'avoir offert un voyage il y a quelques mois, c'est ça, hein? Exactement, oui, à Salou, c'était exceptionnel. Ah, t'es parti à Salou près de Barcelone? Exactement, ouais. Bon, et rassure-moi, bon, tu le sais, je suis DJ. Quand on part à Salou, on fait au moins le Pacha, au moins le Tropical et au moins le Snoopy's. C'est les trois boîtes les plus connues. T'en as fait une des trois ou pas du tout? Ben justement, on les a essayé toutes les trois. Ah, sérieux? Toutes les trois, ouais. Elle ouais. Est fitarde, hein. Et si tu dois choisir, aller entre le Pacha et le Tropical, par exemple. Le Pacha, attendez. Ah, on est d'accord. La fameuse boîte avec les deux cerises. Bob Sinclair, ouais, c'est vrai en plus. Hein. Bob Sinclair. Et qui de David Guetta aussi. Hein. Et de David Guetta. Ouais. Ouais, et pas de moi. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi on m'appelle pas. Du coup, c'était quoi en mode carpet sur la plage ou t'as fait quand même quelques visites là-bas? Ben, carpet, ouais, bien entendu. Mais à côté de ça, les visites, c'est pas trop mon truc. Ouais. On a siroté quelques cocktails, enfin des choses comme ça, quoi. Comme ouais. Les jeunes font. Les vacances, quoi. Ouais, vraiment. Alors, est-ce que Mathilde, bon, t'as 18 ans, je peux le dire. Est-ce que Mathilde, c'est la grande question, est-ce que Mathilde a chopé un Barcelone? Bah, écoute, comment dire, il y avait des garçons ouais. Pas mal beaux, quoi. Ouais. Donc, alors rien, pas mal, mais. Mais ça veut dire quoi, ça? Choper ou pas choper? Il était en couple, en fait. Ah, c'est vrai. Ah. Ouais, mais et l'un n'empêche pas l'autre, finalement. T'as pas tort, mais. Enfin, ouais, voilà, quoi. Alors, ça s'est passé ou pas? J'ai envie de te dire que ça s'est... Ouais. Donc, elle a rendu cocu une meuf, quoi. T'as déjà rendu cocu quelqu'un ou pas? Moi, non, non, ça m'est jamais arrivé. Ah, sincèrement? Je te jure. Franchement, jamais. Je sais pas pourquoi, mais je te crois pas du tout. Je pourrais pas. Eh ben Mathilde, le message est passé. Et sincèrement, si je pouvais avoir des parents qui m'offraient un voyage, maman, si tu m'écoutes, un petit trip aux chutes du Niagara, ce serait pas de refus. Grand merci Mathilde pour avoir passé ton message. Tu es la bienvenue en tout cas. Merci de nous avoir appelé et je te fais plein de bisous. Merci à vous. Ouais, Arnaud. Bisous. Eh ben justement, on a un petit message, je crois que de ta maman, je pense, qui dit coucou Dylan. Je te souhaite une très bonne émission en tout cas. Et ta maman qui t'aime. C'était le moment ça, relou de la soirée. On va s'écouter Willy William dans la prochaine demi-heure là sur Fun Radio. Avant ça, Willy William, c'est pas ce que je voulais lancer. Écoute, allez, voilà, c'est bon. Allez, je vais appeler mon technicien là, viens un peu parce qu'il y a Willy William qui veut chanter. qu'est-ce que je voulais passer? Ah ouais, je voulais passer Komodo, effectivement, avec peut-être le double fun pour repartir avec votre fameux MacBook Air. Alors attention, si j'appuie normalement, ça doit partir. Ah, bon bah il était temps. Allez, deuxième émission. C'est encore pardonnable. N'oubliez pas que si je vous passe Deoro juste après Sand of Legend, eh bien vous gagnez tout simplement votre MacBook Air 13 pouces. Inscrivez-vous déjà maintenant, il y a de fortes chances. Vous envoyez Apple par SMS au 6322. Apple au 6322, c'est 1€ par message. Voici Sand of Legend, c'est fun. La soirée à la cool, vous venez peut-être de découvrir l'émission. Soyez tous les bienvenus, que vous soyez en Belgique. Fun Radio Connected, c'est tous les soirs, hein, du lundi au jeudi, avant le Before Party Fun, avant de se mettre en mode mix, en mode dance floor. Eh bien, je vous passe tous vos titres préférés que vous venez réclamer, notamment par SMS au 3044. Et je fais aussi un coucou à Maël et Frédéric. C'est les deux personnes qui sont franchement super présentes sur Twitter. Tous les soirs, la Fun Family est réunie. C'est Fun Radio Connected, 20h-22h sur Fun Radio. La rentrée, effectivement, c'est synonyme de proximité de famille, notamment le matin chez Bruno dans la radio. C'est la famille de Bruno et le soir, c'est la famille de Fun Radio Connected. Vous vous réveillez avec Bruno et vous vous couchez avec moi. C'est un petit peu le principe, 20h-22h, Fun Radio Connected. Connecté sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, avec pas mal de messages, continuez à envoyer tout ça. Allez-y sur Snap, en plus c'est super simple. Vous prenez le smartphone, vous ouvrez l'appli jaune et vous envoyez tout simplement un petit snap avec le pseudo Fun Connected. Et si jamais vous êtes gentil, bon, on sait que Snap c'est souvent utilisé pour les messages un petit peu chauds, on vous fera une vidéo sans le haut. On enlèvera la chemise de... Non, je pense non, que non. C'est impossible. Tu crois que c'est mieux de garder la chemise? Ouais, bah Et comme des abdos. Bon, allez, dites-moi, bah, dites-moi, tiens, par Snapchat, si vous voulez voir un petit peu ce que cache Arnaud derrière la chemise. Non, il me fait non. Il me fait non. C'est de la radio, il faut le dire. Parce que les gens ne voient pas ici en studio, mais il est absolument contre. On a parlé tout à l'heure, ça c'est le sujet du jour, des plus gros lots que vous avez déjà gagnés. Bah, moi, c'était hier. Mon gros lot, c'était. Un gros lot, t'es. Ouais. Non, mais sincèrement, moi, perso, j'ai jamais rien gagné. Ah, si. En tant qu'auditeur sur Fun, je me rappelle, il y a 7 ans, j'avais gagné un CD de Kenny West. Voilà. Ah, c'est pas mal. Depuis, on a quand même amélioré les cadeaux, puisque je vous rappelle qu'on vous offre le MacBook Air à l'occasion du Double Fun. Il y a toutes les infos, au pire, sur funradio.be. Je vais faire le point sur les messages reçus. Gilles de Charleroi qui nous dit ma sœur avait remporté un scooter à un concours. C'est moi qui avais envoyé le message, et du coup, elle a cru que c'était une blague. Quand on l'a rappelé, elle a refusé le cadeau et je lui en ai voulu pendant des semaines. Oh, mais c'est un truc de fou ça. Je ferai pareil quoi. C'est vrai je que par exemple, voilà, c'est ça, quand on vous appelle, qu'on dit que c'est Fun Radio et qu'on a gagné un cadeau, voyez quand même un petit peu, attendez quelques minutes avant de dire. Il y a des gens qui aiment bien faire des fakes aussi. Ouais, mais bon, tu distingues quand même le fake du vrai quand même. Ouais. Je pense la plupart du temps. Effectivement, ah, mais c'est un peu comme si, le mec qui a gagné à l'euro million là, t'as vu ? Ouais. Le mec, il a gagné l'euro million, il a laissé son ticket dans le tiroir. Il a été réclamé. Et voilà, il y a eu quelques mois et le mec a perdu des millions d'euros. Mais Satan, il est mort, le type. Ah oui, c'est ça. Tu veux plomber l'ambiance ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre message aussi, c'est Lucille de Mons qui nous dit: mon chéri a gagné un coffret de produits de beauté et ça m'a fait super plaisir. Comme quoi, franchement, faut pas des cadeaux à des milliers d'euros. Et puis enfin Christelle de Somzé qui nous dit aussi j'ai gagné un super porte-clés Bob à un contrôle de flic. Ouais, le petit cadeau quoi. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, effectivement. Allez, on va accueillir Lucas dans quelques petites minutes. Il va passer son message ici à l'antenne de Fun. Il nous a appelé au 02 851 4x0. Avant ça, on va revenir sur le Clash. Tous les soirs, dès 20h, venez défendre votre star préférée. C'est le Clash dans Fun Radio Connected. Jonas Blue et Maître Gims sont en opposition ce soir. Quel titre dance floor on va diffuser ce soir ? Eh bien, c'est vous qui choisissez par SMS au 3044. Je ne t'ai pas donné tout mon âme. Vous envoyez dès maintenant Jonas Blue ou Maître Gims au 3044. Et c'est le titre qu'on va d'office vous diffuser ici sur l'antenne de Fun Radio en fin d'émission. Maître Gims qui sera d'ailleurs en concert, hein, je vous le rappelle. Ce sera le 10 décembre à Forêt Nationale. Allez vite réserver vos places. Hein. Connexion maintenant sur funradio.be. Il y a Maël qui veut écouter du Black M. Bah, pas de problème. Black M, on va l'écouter. Son nouveau titre, Je suis chez moi, dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Fun Radio Connected. Je m'appelle Dylan, soyez les bienvenus. On passe la soirée ensemble jusqu'à 22h. Voici Imani. Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask Radio. Merci Fun Radio. Yeah baby, Fun Radio, le son Dance Floor. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Bonne soirée avec le son d'Anne Fleur de Fun Radio. Je m'appelle Didier. Oui, tu voulais dire quoi, Black M? Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être. J'ai coupé Black M. Vas-y, vas-y, mon pote. Ah, je veux pas de problème. Fils de Monsieur Diallo. Ouais, ouais. Éternellement insatisfait. Ouais, ça on le sait. À suivre. Toutes les films disent ça, éternellement insatisfait. Jusqu'à 22h, prenez le contrôle de votre radio. Fun Radio Connected. L'émission connectée à tout moment, partout, tout le temps, sur tous les réseaux. 20h, 22h sur Fun Radio. Les boss aussi me disent éternellement insatisfaits. Enfin bon, c'est la deuxième émission. Hein. Ouais, bah, il est temps aussi. Voilà, c'est ça. Arnaud, que vous entendez là sur Fun Radio, il récolte tous vos messages. C'est le principe même de l'émission. 30-44 par SMS. Via le Twitter, vous êtes super nombreux. Hein. Hashtag Fun Connected. Et aussi via le standard 02-851-4x0. Liam Summers, on va l'écouter. Avant ça, petit tour du côté du 30-44 avec Ludo. Ludovic là qui nous dit. Je vous écoute dans mon salon pour terminer la soirée. Damien de Mons, moi j'ai rendu un pote cocu. Je me tape sa meuf depuis 4 mois et c'est mon meilleur pote. Ah, ça c'est pas bien, Damien. On peut rendre cocu, mais les meilleurs potes, faut pas toucher, c'est comme les mamans. Rachid aussi, la 19 ans, il vient de Bruxelles. C'est quoi le clash? Est-ce que je peux jouer? Alors le clash, je vous en ai parlé il y a 2 minutes. En fait, on oppose deux artistes Fun Radio. En l'occurrence, pour aujourd'hui, Jonas Blue et Maître Gims. Et en fait, simplement, vous votez. Vous envoyez Jonas Blue ou alors Maître Gims au 3044 pour 50 centimes par message. Et l'artiste qui récoltera le plus de messages sera diffusé dans moins d'une demi-heure, c'est-à-dire un petit peu avant le Before Party Fun. On est à 74% quand même pour Maître Gims face à Jonas Blue. Ouais. Je pense que Maître Gims, là du coup il va certainement gagner ce soir. Il y a certainement beaucoup de chance. Certainement. Ah, je le sens très bien depuis le début, je te l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont forts, Maître Gims. Mais les gens aiment bien en général, hein, sur Fun. Il a fait capter ma vanne. Ah, c'est pas grave, on va passer. MHD avec Afro Trap partie 5 aussi, ça a été demandé par Lauriane de la région de Charleroi. Et ben pas de problème. MHD, la partie 5 d'Afro Trap, je vais vous la passer dans quelques secondes. Avant ça, Lucas, il a 26 ans. Il est avec nous sur Fun Radio. Bonsoir, Lucas, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va toi? Eh ben nickel, nickel. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis un peu curieux, Lucas. Je travaille au chemin de fer. D'accord, ok. La SNCB, c'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Il se dit, est-ce qu'on travaille à la SNCB? C'est un peu ça. Tu vois, il est comme la SNCB, il répond toujours en retard en fait. C'est un peu comme les trains, effectivement. Bon, Lucas, tu viens passer un message pour qui ou pourquoi? Dis-nous tout. Voilà, j'ai un petit coup de gueule. Les gens qui reviennent de soirée, tu vois, continuent à faire la fête dans leur voiture, musique à fond, qui klaxonne. Ouais. Un peu lourd. Moi, tu vois, je vais me lever tôt. Ouais. Donc pour le boulot. Donc, c'est-à-dire que quoi? Les gens font la fête dans ta rue ou quoi? Comment ça se passe? Bah, j'habite près d'une discothèque. Ah, on y arrive. Ouais, ça, ouais, donc c'est niveau bruit, tu vois, c'est pas. Ouais, donc calme. Et c'est à côté de quelle discothèque? Comme ça on connaît un petit peu. C'est quoi? C'est Le Flagrant Délire. C'est où? Ah, ça ouais, c'est dans quelle région? Ouais. Tu connais toi? C'est côté, ouais, je connais bien. Côté de Namur, ouais. Côté de Namur. Ouais, je connais bien, mais je sais pas si vous en Belgique. Du côté, ouais, Namur. Et quoi, tu veux qu'on passe un message à tous ceux qui n'arrêtent pas de foutre un petit peu le bordel à côté de la boîte, quoi? Ouais, ça serait bien. Ok, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, faites pas, ne klaxonnez pas. C'est quoi comme genre de klaxon? C'est plus ça? Ou c'est plus ça? C'est le bordel comme ça en fait, c'est ça. Toute la soirée, c'est un peu ça. Hein. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ah, attends, tu sais quoi, t'en as pas eu assez, attends. Vas-y. Là, tu veux régler des problèmes? Bah je t'en remets, vas-y. Il va y avoir encore plus ça. Bon, et non, sincèrement, si vous sortez du côté du flagrant délire, tout ça, faites un petit peu attention. Et quoi, t'as une petite anecdote? Il est arrivé quelque chose de particulier ou c'est juste klaxonné? Bah, encore l'autre jour, je prends comme exemple, il y avait un type qui était au bout de mon jardin, si tu veux. Ouais. Un pif, tranquille quoi. Ah, carrément, il est venu uriner, tout ça. Bon, ça va, il a pas vomi au moins. Ouais, sinon au pire t'aurais ramassé le morceau, t'aurais fait une quiche. C'était... Bon bah Lucas, le message est passé, voilà, si vous sortez là-bas, bah voilà. Et pensez à Lucas qui fait semblant de travailler à la SNCB. Merci beaucoup d'être passé Lucas, à bientôt. Ah, merci. Allez salut, tu fais partie officiellement de la Fun Family, vous nous rejoignez durant toute la soirée, encore pendant un petit peu moins d'une demi-heure là sur Fun Radio. Drake, on va l'écouter dans quelques petites minutes. D'ici là, eh ben, c'est du belge, j'adore. Voici Liam Summers maintenant sur Fun Radio, Fun Radio Connected. Memories on my mind, I think of you all the time. Fun Radio. Fun Radio. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Salut Martin qui nous a envoyé un petit message là sur Facebook. Super émission, j'adore Fun. En tapant toute la nuit à l'usine de Twill, près de Jean Blou. Apparemment ça nous écoute là-bas. Merci les potos. Du son dance floor toute la soirée. Et tous vos messages au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, 20h-22h. C'est avant le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Exactement, ça se passe comme ça tous les soirs. Autre message, notamment via le Twitter. Vous balancez tous vos messages avec le hashtag Fun Connected. Salut Dylan, je voudrais dire à ma copine Sandra que je la kiffe. Je suis loin d'elle depuis déjà 7 semaines. Elle me manque et c'est signé Thomas. Et ben voilà, le message est passé Thomas, pas de problème. On va revenir aussi dans quelques petites minutes sur le sujet du jour. C'est les plus gros gains que vous avez gagnés avec notamment Valentin qui va être à l'antenne de Fun dans Fun Radio Connected dans quelques minutes. Il y avait un autre message aussi, alors je sais plus où il est. On va y revenir dans quelques... Ah voilà, Clément, ça fait trop plaisir de découvrir ton émission Dylan. Quel est le principe finalement? Bah, le principe finalement, bah, c'est-à-dire qu'on est connecté. Hein, voilà, Fun Radio Connected, c'est tous les soirs connecté avec vous sur tous les réseaux. Le principe, il est que vous venez prendre la parole, tout simplement, pour passer des messages, pour passer vos coups de gueule, pour venir raconter un truc là sur Fun Radio et pour faire le malin peut-être demain à la machine à café. Eh hey, mec, je suis quand même passé sur Fun Radio hier, je t'ai fait une dédicace, va falloir écouter. On va revenir effectivement donc sur le sujet du jour. On a lancé ça à partir de 20h. Le plus gros lot que vous avez déjà gagné. On a des messages qui sont arrivés notamment de Julie sur Twitter avec le hashtag Fun Connected. Julie qui a gagné un iPhone par concours Facebook. Alors ça c'est vrai que c'est quand même le bon plan Facebook parce que c'est gratos. Et d'ailleurs on va vous en reparler puisqu'on a un concours Facebook sur la page officielle de l'émission. Avant ça, transition parfaite puisqu'on a notamment Valentin qui est avec nous au standard. Salut Valentin, comment ça va? Salut, ça va. Dis-moi, tu as quel âge, tu viens d'où Valentin? 17 ans, je viens de Lob. Lob, ok. Tu voulais réagir au sujet du jour qui est quel est le plus gros lot que tu as déjà gagné? Le plus gros lot ou alors le cadeau le plus pourri quoi? Dis-nous tout. Mais en fait, je participe à un concours de mannequinat, ouais. Connu dans la Belgique. Ouais. Et j'ai gagné la demi-finale. Ouais. Donc je suis pris pour aller à la finale à Paris. Non. Et si j'y gagne, je gagne un voyage de 15 jours à Punta Cana pour faire des shootings. Ah oui, quand même. Pas mal, c'est quoi. Quand même plutôt pas mal. Ça, le c'est genre la de, classe. Je pense que c'est le concours, un des seuls concours où on ne pourra jamais participer, Ardo et moi. Non, niveau on matin, peut oublier, je crois, on peut oublier. Les concours de je bouffe 10 hot dogs en 10 secondes, là, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ça, c'est un peu compliqué. Hey, bon, Valentin, ça va. Hey, tu sais quoi, je vais aller checker sur Facebook. C'est vrai, t'es beau gosse, Valentin? Ouais, ça va. Ouais, ouais. Elle est sûre de lui, là. Elle est sûre de lui, quoi. Ouais. Ouais, un petit peu. Ouais, ouais, ça va, quoi. Ça va, pas comme vous. Bon, bah écoute, Valentin, en tout cas, je te souhaite bonne chance pour la finale. C'est quoi, c'est dans quelques jours? C'est le 18 décembre. D'accord. En fait, je recommence les répétitions à partir de septembre. Ouais. Et j'ai des répétitions à Mons les dimanches. Ouais, ça va bien se passer. Le 11 septembre, je reçois en fait mes affiches pour le vote SMS pour le public. Ouais. Et donc je vais partir le week-end le 17 et 18 décembre à Paris, au Lido. Et bah, je suis ma finale le 18. Ça marche, Valentin. Écoute, le message est passé, un grand merci. Et puis là, vu qu'on est un petit peu à la bourre, je vais directement prendre Sébastien. Il a 21 ans, il vient de Fosse-la-Ville. Il est avec nous au 02 851 4x0, la sur Fun Radio. Bienvenue Seb, comment ça va mon pote? Salut, toi, tranquille, et toi? Avec plaisir, ouais, je t'accueille avec plaisir, ça va super bien. Dans un petit quart d'heure, là c'est le Before Party Fun. On va écouter Dimitri Vegas Like Mike dans quelques minutes. Avant ça, tu voulais passer un message pour qui ou pourquoi toi aujourd'hui dans Fun Radio Connected? Bah écoute, en fait j'ai été voir le film Le Correspondant de Jimmy Nape, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr, c'est un partenariat en plus avec Fun Radio, ouais. C'est un film fun. Ah bah voilà. Bah écoute, franchement, je conseille à tout le monde d'aller le voir, c'est vraiment une tuerie. Ouais. Ça, franchement, Jimmy Labeu dans le film, on le retrouve vraiment dans son rôle, on voit vraiment qu'il joue à fond. Ouais. C'est vraiment, vraiment un chouette truc, mais bon, c'est trash quand même, quoi, parce que. Ah, c'est vrai, c'est trash, c'est quoi? C'est humoristique, mais c'est quand même un peu trash alors pour le coup. Ouais, il y a une scène à un moment donné, mais franchement, il en vaut vraiment la peine. Ouais, bah vas-y, dis-nous la scène, mais dis pas tout le film, quoi. Pas de soucis, ouais. Donc à un moment donné, il y a une séquence qui m'a vraiment fait trop marrer. Ouais. C'est trash, là. Qui est trucidé sur une grille, quoi. Oh merde! Ah, c'est quoi ce dire? Il est mort le chat ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le chat n'est pas encore mort, ouais. Mais ça va venir. Dans le film, en fait, y a le correspondant, c'est une gothique en fait. D'accord, ouais. Et la gothique, les gothiques, on sait bien qu'eux ils sont un peu trash, ouais, ouais. Ils n'ont pas peur des choses. Ouais. Et la gothique, voyant le chat en train de succomber et tout ça, ouais. Elle est venue, elle a attrapé le chat et elle lui a tordu le cou. Oh pour avoir... non. C'était un peu ça quoi dans le film. Il a l'air terrible le nouveau film de Jimmy Labeu. Eh ben tu sais quoi? Franchement, ouais, c'est une tuerie. Eh ben Arnaud, j'ai envie d'offrir des places. Ouais, voilà. On va faire ça. C'est un film Fun Radio. En théorie, on a encore des places. On a lancé un concours Facebook qui a quoi? Il y a deux minutes, en sachant que tu passais à l'antenne. Allez liker, allez partager la photo, allez commenter aussi avec le nom d'un pote avec qui vous allez pouvoir. Avec qui vous voulez partir au Cinoche. Allez-y, ça se passe sur la page Facebook. On a vraiment beaucoup de place pour vous. Page Facebook officielle, vous tapez tout simplement Fun Radio Connected. En gros, on est d'accord, tu conseilles Le Correspondant, le film de Jimmy Labeu, le belge, qui est sorti dans toutes les salles en Belgique. Ouais, je le conseille vraiment, franchement, ouais. Ah, je regrette vraiment pas d'avoir payé ma place pour aller voir ce film. Là, maintenant que je sais que t'offres des places, ça m'ennuie un peu, quand même. Oui, c'est ça, fallait revenir un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, c'est vrai, moi je te dis la vérité, j'ai pas encore vu le film. Donc pourquoi pas aller avec vous, hein, c'est vrai, je vais me connecter avec vous, je vais aller à la salle de Cinoche. J'ai pas vu non plus, moi. Par contre, tu payes les nachos, hein. Carrément, toi. Hey, quand je paye les nachos, tu payes les popcorn. Ouais, pourquoi et je crois pas. Que c'est quand même plus cher, hein. Non? Ouais, tu crois? Bah, je sais pas. Non, je pense que c'est pas le bon plan. En tout cas, un grand merci Sébastien d'être passé. On va aller voir avec plaisir ce fameux film. Et tu repasses quand tu veux sur Fun, d'accord? Ça va, pas de soucis, merci les gars. Salut Seb, ciao. Ouais. Vous restez sur Fun Radio évidemment. On est là encore là pour un petit peu plus de 10 minutes. Un petit peu plus de 10 minutes à tirer. Hey, c'est fou, hein, c'est la fin de l'émission. Je commence tout doucement à fatiguer là. Il y a MHD qui est en préparation là sur Fun. Ça a été demandé par Lauriane de Charleroi. MHD, ben, je vous le passe. Juste après Dimitri Vegas Like Mac maintenant sur Fun Radio, le son Dance Floor. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while.

champagne and Sprite, girl. All night me a geared up. Appartient à ceux qui se connectent tôt. 20h, c'est pas mal, non? 20h, 22h, c'est Fun Radio Connected. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'est fait plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité. Je crois qu'on est à la bourre en fait. Ouais. 21h58, on est un petit peu à la bourre. Je pense que Party Fun va démarrer un petit peu en retard. Mais ça c'est du live au moins. Ouais, effectivement, on est en direct sur Fun. Ça c'était le clash de ce soir. Jonas Blue face à Maître Gims. Maître Gims, on vient de l'écouter, vous l'avez compris. C'était donc le grand gagnant de ce soir. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau. Vous avez été plus de 80% à voter pour Maître Gims. Et ça, franchement, ça fait plutôt plaisir. Maître Gims, qui est donc l'un des artistes préférés pardon, de Marilyn, qui est au standard de Fun Radio avec moi. Bonjour Marilyn, ça va bien? Ça va bien, oui. Tu as 42 ans, c'est ça? Tu viens de quelle ville, toi, en Belgique? J'habite Gorinchem 3. C'est où, ça? À côté de Tournai. D'accord. Vous avez l'électricité, tout ça, là-bas? C'est bon, l'eau courante, Internet? Oh, ouais. Vous avez la radio, c'est déjà pas mal. Marilyn, t'as voté pour Maître Gims, hein, si je comprends bien. Oui. D'accord. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? T'adores Maître Gims? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as voté pour lui? Ah, ouais, je trouve qu'il y a une super voix, il sort des chansons vraiment super. Ouais. T'es jalouse de ses lunettes, en fait, et tu veux même pas le dire. Bon, bah, Marilyn, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir participé déjà à l'émission, et puis au Clash aussi. Maître Gims, il a gagné. Et toi aussi, puisque je vais t'offrir, tu sais quoi, des clés USB Fun Radio, je t'envoie ça à la maison. Ouais, c'est super. Je vais même essayer de te gratter une petite compile et un t-shirt, comme ça tu vas être toute belle. Waouh. Merci beaucoup Marilyn, je te fais des bisous. Et tu vas faire quoi toi ce soir? Merci, moi aussi. Au revoir. Tu vas faire quoi ce soir? Pardon ? Tu vas faire quoi ce soir ? Oh bah ici on va souper, je sais pas. Ah oui, tu soupes quand même un peu tard, 22h. Ah ouais, bah ouais. Et tu fais quoi dans la vie ? Je t'ai même pas demandé, Marilyn. Je suis aide-soignante. D'accord. Beau métier ça, ouais. C'est un beau métier. C'est dans les homes tout ça ? Non, dans une maison de repos. Ouais, là où on n'écoute pas Maître Gims quoi. Allez, gros bisous Marilyn, à bientôt. Bisous, moi aussi. Allez, salut. On est connecté partout, même quand on est en off. Sauf qu'on dort évidemment. On est connecté avec vous donc sur Facebook, sur Twitter, Snapchat, tout ça. Vous continuez à balancer vos messages pour demain. Merci beaucoup mon Arnaud, à demain. À demain, ciao ciao. À demain 20h, vous restez bien connectés puisque dans quelques minutes c'est le Before Party Fun qui démarre. On passe en mode mix. Before Party Fun, 22h minuit. Avant ça, comme promis, ça a été réclamé en masse par SMS au 3044. J'adore ce son Dance Floor. MHD Afro Trap Partie 5. À demain. Salut, ciao. On reconnaît les pas, vous reconnaît les pas, qui partent par intérêt. Enfoiré, tout pensé de terre, après de marcher, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chip pas le fat, paye j'en caisse, ou mon pote qui va gérer mes vêtements. Et magie, ça tu prends les mecs de la rue. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon l'enfoiré, qui fait bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Malé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis, ça avant même. Gardez, appétit, quand je marche la boule à tout plaisir. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les couilles si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me prévaincre. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, je t'ai bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. Bon, c'est du l'air, c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus du l'air quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, quand je veux marcher la moule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Appétit, appétit, gâté, appétit. On se marche la boule à tout plaisir. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Connexion. Fun Radio Connected revient demain dès 20h pour continuer à lâcher vos messages. Direction la page Facebook Fun Connected, Snapchat ou le Twitter avec le hashtag Fun Connected. Yo, it's time! Fun! 22h. You ready? Sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Vous entrez dans la seule émission de Belgique. Mixé in the mix. Press play. Party. Fun. C'est le Before Party Fun avec Dylan. Sur Fun Radio. On Fun Radio. Et la soirée qui se poursuit, très content de rester avec vous jusqu'à minuit là sur Fun Radio pour la nouvelle émission. On va se mettre en mode Before Party Fun tous les soirs de la semaine du lundi au jeudi avec les meilleurs DJ de la planète. On n'attend pas d'être en week-end pour faire la teuf ici sur Fun avec les meilleurs DJ du monde donc. Sacha DMB et Andy Day sont deux, ils sont belges. Ils prennent le contrôle des platines de Party Fun avec Maten, on va l'écouter, c'est la femme de Dimitri Vegas. Vegas et Mike, on les écoute aussi. Après Alex Jermis maintenant dans le Before Party Fun sur Fun Radio, bonne soirée. Feels so far. Fall away. 'Cause I won't fall apart if you keep on living past the days. There's gonna be no way, no say to give up on you now. 'Cause I won't.